Comme on est parti, Jim Allen. Do you want to play a song? Est-ce que tu veux? D'abord, est-ce que tu es français? Aïe, donc il n'est pas français. Mes accords, je sais pas, la batterie, je sais pas, mais les accords, ça fait ça. Après, il y a un fa, un sol et un do. Thank you. peux pas faire le refrain. Jimmy, tu peux. Refrain. Jimmy, tu pleures, mais tu pleures sur le cuir de ta cristère. Là-bas, le soleil s'écoule dans la mer. Jimmy, les filles pour le cœur, comme l'alcool et